Embrasse-moi, chérie, ça suffira. Tout mon chagrin, chérie, s'envolera. J'ai pardonné d'avance, et tu le sais déjà. Pour moi, la vie commence entre tes bras. Pourquoi parler d'amour? L'amour est là. Ne me dis pas toujours, mais garde-moi. Chaque baiser de Paris, c'est ma victoire à moi. Embrasse-moi, chérie, ça suffira. Embrasse-moi, chérie, ça suffira. Tout mon chagrin, chérie, s'envolera. Pourquoi parler d'amour? L'amour est là. Tout peut finir un jour, mais ce jour-là, épargne-moi, chérie, les mots qu'on dit toujours. Embrasse-moi, chérie, embrasse-moi.